Comme je le disais tantôt, souvent on se sent seul, démuni de tout pouvoir. Mais oui, notre force, notre volonté, l'amour de ce que nous faisons reste. Et avec ça, nous pouvons y arriver. Ensemble, oui, c'est possible. Nous sommes tous égaux, hommes, femmes, enfants. Nous avons tous nos droits et nous devons nous lever tous ensemble pour défendre nos droits.